En chance que tes amis. Oui, c'est moi qui trahis. La sphère, merci et moi si la vie. Et même si pas ni rien pour dire. Oui, passe de toujours être young. Qui passait.